بسم الله الرحمن الرحيم. يقول في السؤال 38 من هذا الكتاب 38 كيستيون، سئل الشيخ رحمه الله عن عدي العبارة أعطني الله لا يهينك. Donc il est interrogé à propos d'une expression qui est donne-moi et Allah ne t'avilera pas, ne te rabaissera pas. فأجاب فضيلته بقوله هذه عبارة صحيحة، الله سبحانه وتعالى قد يهين العبد ويذله، قد قال الله تعالى في عذاب الكفار فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. Donc il a dit cette expression elle est correcte, car Allah peut avilir le serviteur et le rabaisser, dans le sens où Allah dit à propos des kuffars qui sont dans le châtiment du feu, aujourd'hui vous subissez le châtiment avilissant pour ce que vous êtes enflé d'orgueil sur terre sans droit. Surat al-Ahqaf, verset 20. فَأَذَاكَهُمُ اللَّهُ الْهَوْنُ وَالذُّلُ بِكِبْرِيَائِهِمْ وَاسْتِكْبَارِهِمْ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Donc Allah leur a fait goûter justement le châtiment de l'humiliation et de l'avilissement pour leur orgueil sur terre sans droit. وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ يُهْنِهِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Et celui qu'Allah rabaisse n'aura personne pour l'honorer. Surat du Hajj, verset 18. وَالْإِنْسَانُ إِذْ أَمَرَكَ بِأَمْرٍ فَقَدْ تَشْعُرُ بِأَنَّ هَذَا إِذْلَالٌ وَهَوَانٌ لَكَ فَتَقُولُ اللَّهُ لَا يُهِينُكَ. Donc lorsqu'une personne te donne un ordre, te fait telle chose, ou même l'interdiction, ne fait pas telle chose, tu peux ressentir qu'il s'agisse d'une chose rabaissante pour ta personne. Donc à ce moment-là, tu dis qu'Allah ne te rabaisse pas, pour que la personne justement s'apaise. Quand tu dis à quelqu'un par exemple, fais telle chose, d'accord ? Nous en français, souvent on va dire s'il te plaît, pour montrer que c'est un service, c'est pas forcément un ordre, par exemple. Mais également, il est possible de faire encore mieux, de faire un doigt pour la personne, fais telle chose qu'Allah ne te rabaisse pas, pour pas que la personne pense que tu la prennes de haut. D'accord ? Non. ثم سئل في سؤال رابع. Je passe à 39e. 40e question. سئل رحمه الله تعالى أحسن الله إليك كثيرا ما نسمع في الدعاء اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه ما صحة ذلك. Donc ils disent dans la question, nous entendons souvent que les gens disent oh Allah, nous te demandons pas de rejeter le qada, c'est-à-dire le destin, mais nous te demandons d'y être doux. Donc qu'en est-il de dire cela? Il y a 10 mètres de la douceur, non, plutôt 10 mètres de la douceur dans ce qada. فَأَجَابَ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الدُّعَاءَ الَّذِي سَمِعْتَهُ أَوْ سَمِعْتُهُ اللَّهُمَّ إِنَّا لَنَسْأَلُكَ رَدَّ الْقَضَاء وَإِنَّمَا نَسْأَلُكَ اللُّطْفَ فِيهِ دُعَاءٌ مُحَرَّمٌ وَلَا يَجُوزُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الدُّعَاء يرد بالقضاء كما قال في كما جاء في الحديث لا يرد القدر الا الدعاء. Donc il a dit ce dua que je viens d'entendre là n'est pas permis, c'est un dua qui est interdit, car justement le destin peut être changé par une invocation, comme dans le hadith rapporté par Tirmidhi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit que le destin ne peut être on va dire repoussé que par une invocation. Et le hadith il est authentifié par Cheikh Al-Albani et d'autres ulama. Wa aydan kanna hadha as-sa'il yatahadda Allah wa yaqul igdi ma shit walakin ultuf wa ad-du'a yanbaghi lil insan an yajzam fihi أو به وأن يقول اللهم إني أسألك أن ترحمني اللهم إني أعوذ بك أن تعذبني وما أشبه ذلك. Et également dans cette invocation, cela ressemble comme si la personne voulait défier Allah en lui disant décrète ce que tu veux, cependant sois doux. Décrète ce que tu veux, cependant sois doux. Et cela, il ne faut pas, car la personne doit être déterminée dans son dua. Elle doit dire, par exemple, « Oh Allah, je te demande que tu me fasses miséricorde. Oh Allah, je recherche refuge auprès de toi, que tu me châties, et ce qui ressemble. » D'accord ? Car lorsque tu dis « Allah, fais ce que tu veux », c'est-à-dire « Peu m'importe que tu me châties ou que tu fasses miséricorde. » Et cela, ce n'est pas bon. Car qui ne voudrait pas recevoir la miséricorde ? Donc on la demande clairement. Et qui ne voudrait pas être épargné du châtiment ? Donc on le demande clairement. C'est le comportement à avoir lors de l'invocation. « قال وما أن يقولوا لا أسألك رد قضاء فما الفائدة من الدعاء إذا كنت لا تسأل رد القضاء والدعاء يرد القضاء فقد يقضي الله القضاء ويجعل له سببا يمنع ومنه الدعاء. » Donc il a dit, et en réalité, de dire, je ne te demande pas de rejeter le destin, donc quel est donc l'intérêt de l'invocation si tu ne demandes Allah qu'il ne rejette pas le destin? Car justement, Allah décrète des choses et également, il fait des causes qui peuvent changer ce décret. Et parmi ces choses-là, le dua. D'accord ? Le dua. Et également, par exemple, parmi les choses qui peuvent changer cela, le bon voisinage, qui lui est une cause qui allonge la vie et qui augmente le risque, et ainsi de suite. Et tout cela reste malgré tout dans ce que Allah a décrété. Tout cela reste malgré tout dans ce que Allah a décrété, dans ce qu'il veut. Ça ne sort pas de sa volonté. Mais Allah Azzawajal est plus savant de ce qu'il a décrété et de ce qui peut changer. Et même quand cela change, c'est des choses qu'il a voulu qu'elle change. Et qu'il savait qu'elle allait changer. قال فالمهم أن هذا الدعاء لا يجوز يجب على الإنسان أن يجتنبه وينصح من سمعه بألا يدعو بهذا الدعاء. Donc cette invocation n'est pas permise et il est obligatoire à l'insan, à la personne, de l'éviter, de s'en éloigner et de conseiller quiconque prononcerait cette parole-là, s'il l'entend. نعم هذا الذي أخذنا اليوم من هذا السؤال والحمد لله رب العالمين.